avant que le ciel nous fasse une overdose d'ozone, que les faiseurs de merde arrêtent prendre leurs chiottes pour des trônes, que les belles promesses engagent même ceux qui les tiennent pas, et qu'un tien vaille moitié moins que deux, tu l'auras. Avant qu'au secondaire nos gosses sortent de l'ère primaire, que l'avenir de l'homme soit devant lui et plus derrière. Les religions et le business ne fabriquent pas que les molosses, toujours prêts à se déchiqueter la truffe pour un os. Il en aura coulé de l'eau sous les ponts, dégouliné des larmes sur les joues des esclaves. Il s'en sera coagulé du sang dans les prisons, la télé et les limaces s'en auront bavé de la bave. Avant qu'un raz-de-marée à 10 000 bornes d'ici nous noie plus de chagrin que notre baignoire qui fuit. Avant qu'un Tchernobyl qui pète chez nos voisins fasse faire autant de villes qu'une taupe dans notre jardin. Avant que la fonte des pôles nous fasse plus frissonner que la peur de manquer de glaçons pour l'apéro, qu'on arrête de se flinguer pour des dieux ou des démons qui regrettent de ne pas exister pour nous recréer moins cons. On en aura rôté du coca au McDo, il s'en sera égoutté de l'huile sous la salade. Il en aura cirosé le pinard des fois de l'eau, on en aura dégueulé la bière autour des stades. On se traite de chacal, de gros porcs et de requins, comme si elles étaient pires que nous. Ces pauvres bestioles, c'est sûr qu'elles auraient du mal si elles avaient la parole à trouver mieux pour s'insulter que de se dire espèce d'humain. Avant que contre la misère on manifeste, on crie plus fort que pour une coupe de foot ou de rugby. Qu'on arrête de nous faire croire quand y'en a plus, y'en a encore des OGM n'engraissent que la soupe et qu'y a rien de plus doux qu'un coffre-fort. Il en aura coulé de l'eau sous les ponts, dégouliné des larmes sur les joues des esclaves. Il s'en sera coagulé du sang dans les prisons, la télé et les limaces s'en auront bavé de la bave. On en aura rôté du coca au McDo, il s'en sera égoutté de l'huile sous la salade. Il en aura cirosé le pinard des fois de l'eau, on en aura dégueulé la bière autour des stades.